On va parler de hockey avec notre ami. La semaine passée, on a fait le bilan avec Yannick Jean. Là, maintenant, on va faire le bilan avec son année. Fabrice Fortin, de natif qui est de Saint-Félicien, qui a joué avec les Sags cette année. Salut Fabrice. Oui, bonjour. Fabrice, comment tu as trouvé ton année avec les Sags cette année? En général, moi, j'ai vraiment aimé mon année, même si c'est un petit peu différent qu'une année normale, mais moi, j'ai super aimé mon année, puis je trouve que ça a bien été personnellement et l'équipe aussi. C'est le fun, on avait une bonne équipe, puis on avait un bel esprit d'équipe, c'était vraiment le fun. Comment t'as trouvé ça comme pour un joueur de l'année COVID? Ça a été dur, ça devait être dur de jouer sans spectateur, de jouer également, de voir des fois on ne savait même pas où on s'en allait, on ne savait même pas que le match, ça allait être quand le prochain match. Comment t'as trouvé ça dans l'ensemble? Ben, c'est sûr que au niveau des spectateurs, ça fait quand même un petit bout qu'on en avait plus, pardon. Ouais. Donc, on s'est comme un petit peu habitué, veut pas. Donc, ben, personnellement, moi, ça me dérangeait plus ou moins parce que on était comme habitué. Mais le camp d'entraînement, c'est sans spectateurs, puis ça faisait un petit bout. Puis aussi, c'est sûr, moi, je pense que j'ai trouvé le plus dur cette année de pas savoir, mettons, avec le COVID, c'est un seul cas de COVID, puis. Je pense que ça brisait les plans pour 2 semaines officiellement, mettons. Puis c'est sûr qu'il était dur, là, on savait pas, mettons qu'on avait une bulle, là, ben, c'est un seul cas de COVID, puis la bulle est annulée, là, ben, on savait pas quand est-ce que les bulles allaient avoir lieu ou à quelle place. C'est toutes des choses qui sont quand même, ben, pour moi, j'aime ça, tu sais, savoir d'avance mon Oui. horaire, puis des choses comme ça. Puis je pense que tous les joueurs de hockey sont comme ça aussi. Donc c'était un petit peu plus à ce niveau-là, mais on était tous dans le même bateau, puis. On s'est tenu les coudes, puis on l'a vécu ensemble, là. OK. Maintenant, contre Val-d'Or, vous avez frappé vraiment une grosse équipe de hockey. Hein. C'était un rouleau compresseur. Ah oui, excellente équipe de hockey, ça, c'est sûr. Oui. Dis-moi, es-tu satisfait quand même dans l'ensemble de ton temps de glace cette année? Parce que c'était vraiment ta première vraiment grosse année avec les Sags, là. Ouais, ben c'est sûr que je m'en attendais un petit peu, puis. Mais non, tu sais, j'acceptais mon rôle que j'avais, puis j'essayais de donner mon 100% à chaque présence, puis surtout de m'amuser, de profiter de la chance que j'ai d'avoir joué au hockey cette année, surtout. Puis c'est ça, accepter mon rôle, puis faire mes affaires à moi, puis tout a bien été. Ça a été une année quand même positive, pareil. Là, tu vas prendre de l'expérience. Normalement, tu devrais peut-être percer le top 9 l'an prochain et les Sags seront en construction. Est-ce que tu as pris l'entrevue avec Yannick Jean Yannick dit que ça va prendre plus de stabilité dans ton cas, puis plus de hang peut-être dans ton jeu? Oui, c'est sûr. Ça, j'en étais conscient aussi. Puis c'est une des choses que j'avais à travailler. Donc, mais je suis super positif à ce niveau-là. J'ai déjà hâte à la prochaine saison, en fait. Puis j'ai hâte de pouvoir recommencer à jouer au hockey puis travailler les petites choses que j'ai à travailler, là. OK. Dis-moi si quelle sorte d'année que tu vas passer. J'imagine que tu vas travailler plus sur la shape, te garder en forme et ainsi de suite. Ouais, ben cet été, c'est sûr, je vais m'entraîner pour arriver au camp le plus en forme possible, comme à chaque année. Puis c'est ça, là, je vais essayer de jouer mon meilleur hockey encore, puis continuer d'essayer de m'améliorer. Ben Fabrice, félicitations pour ta saison. On espère on va continuer à te suivre l'an prochain avec les Sags. Merci beaucoup. Fabrice Fortin de Saint-Félicien qui a joué pour les Saguenay de Chicoutimi cette année.